Il avait fallu toute la diplomatie de Samuel pour convaincre Pascal. Louer un hélico coûtait très cher, même le petit Hughes 300, alors que Sam, en tant qu'instructeur, pouvait se servir de n'importe quelle machine disponible. Par ailleurs, il avait refusé tout net de la laisser partir seule. « Tu n'as pas piloté en solo depuis presque un an. Pas question de t'en aller avec Aurore comme passager, dans l'état d'énervement où tu te trouves. Je serai libre à 3h30. Allez manger quelque chose au bar en m'attendant. » Pascal s'était finalement résigné, surmontant son impatience. Bien qu'ayant fait revalider sa licence pour l'année en cours, elle manquait de pratique, Sam avait raison. Et autant elle pouvait prendre les commandes lorsqu'elle volait avec lui, autant Aurore ne lui serait d'aucun secours en cas de problème. Tandis qu'elles avalaient un club sandwich arrosé d'un thé, Aurore en profita pour bombarder Pascal de questions, sans obtenir d'autre réponse que « C'est peut-être une idée idiote. Je préfère ne pas en parler avant d'avoir vu. » De toute façon, je te promets une belle balade. Il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Quand Samuel vint enfin les chercher, Pascal ne tenait plus en place. Elles le suivirent jusqu'au Jet Ranger, où Sam fit monter Aurore à l'arrière, lui attacha sa ceinture, la munit d'un casque et verrouilla sa portière. Ensuite, il s'installa à l'avant avec Pascal. « Tu as ta carte de la région, ma belle ? » ?»« J'assure le décollage. Et à condition que tu te calmes, je te laisserai piloter jusqu'à Gaillac. » Pascal hocha docilement la tête et vérifia son micro pendant qu'il entamait la checklist. Il vérifia les équipements et contrôla les paramètres avant d'embrayer le rotor. « Bon, vous êtes prêtes les filles ? On va y aller !» Après un ultime coup d'œil à ses cadrans, il mit la puissance tout en recherchant le point d'équilibre des commandes. La machine s'éleva lentement, sans à-coups, et il la maintint immobile jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement stable. Puis il la fit imperceptiblement basculer vers l'avant, tout en la soutenant, attendit l'accrochage et accéléra pour monter. « J'adore !» s'exclama Aurore, dont la voix résonna dans les casques. « On t'entend, ne crie pas !» lui dit Pascal en riant. Les toits des installations de l'aéroclub s'éloignaient sous leurs pieds. Ils mirent le cap au nord-est. 10 minutes plus tard, lorsqu'ils arrivèrent en vue des rives du Tarn, Sam proposa à Pascal de piloter. « Tu peux te caler sur le fleuve et me montrer ce que tu sais faire ?» Ravi, elle posa ses pieds sur les pédales et sa main droite sur le manche. « À toi les commandes !» dit Sam. « J'ai les commandes !» répondit-elle d'une voix ferme, selon la procédure. « C'est toi qui conduis ?» s'inquiéta Aurore. « Je la surveille, t'en fais pas !» affirma Sam avec un large sourire. « Elle a été mon élève, elle devrait s'en sortir !» Ils survolaient la vallée du Tarn, remontant vers Albi, et Pascal gardait un œil sur la carte posée en travers de ses genoux. Piloter lui aurait procuré une immense joie, si elle n'avait pas été si préoccupée par ce qu'elle pensait avoir découvert. « Surveille ton altitude, chérie !» Elle se remit à 1000 pieds et essaya de se concentrer, sachant que Sam ne supportait pas la moindre distraction. Il la laissa passer Gaillac et suivre les boucles du fleuve. Puis lorsque Pérol ne fut plus qu'à 1 ou 2 minutes de vol, elle lui rendit d'elle-même les commandes sans qu'il ait besoin de les demander. « Une fois arrivée au-dessus de chez toi, ma belle, que dois-je faire exactement ?»« Rien de spécial, juste plusieurs passages pour repérer les axes d'approche. »« Tu veux que je me pose ?»« Non, pas question, tu abîmerais toutes les fleurs. » Il lui jeta un coup d'œil intrigué, mais ne fit aucun commentaire. Progressivement, il descendit à 600 pieds, puis à 500, dès qu'il fut en vue de la propriété. « Ne va pas trop vite !» demanda-t-elle. Mais c'était une recommandation inutile. À 150 mètres au-dessus du sol, ils étaient en train de découvrir le spectacle inouï qu'offrait le parc de Pérol. Ainsi que Pascal l'avait supposé, les massifs et les plates-bandes formaient un dessin géant, celui du message composé par Camille et destiné à être vu uniquement du ciel. « Incroyable !» souffla Samuel dans son micro. Il vira, perdit encore un peu d'altitude et revint face aux grilles pour un nouveau passage à vitesse réduite. Aurore en restait sans voix. Quant à Pascal, elle ne sut que murmurer. « Mon Dieu, comment a-t-elle fait ça ?» Chacune des lettres du prénom de Julia, disposées en arc de cercle, se distinguait très nettement. Comme pour les arabesques d'un jardin à la française ou le tracé d'un labyrinthe, Camille aurait pu former un mot avec des arbustes à feuillage persistant, mais elle avait préféré les fleurs. Une composition compliquée, qui avait dû lui demander beaucoup d'imagination et qui était absolument indiscernable à hauteur du sol. Lucien Lestrade savait-il ce qu'il accomplissait ? Ou se contentait-il de reproduire l'ordonnancement établi par Camille à l'époque ? Samuel remonta un peu, afin que le courant d'air provoqué par le rotor ne souffle pas les pétales. Puis il se maintint en vol stationnaire. « Elles doivent faner assez vite, non ? » fit-il remarquer. « Elles sont remplacées par d'autres. Du printemps à l'automne, le prénom refleurit sous différentes couleurs. » D'où l'importance de se débarrasser des fleurs fanées pour laisser éclore les suivantes. Un travail immense pour ce résultat superbe mais dérisoire, ce signe pathétique adressé à Dieu et aux nuages. « Ta mère ne voulait pas oublier, » dit lentement Aurore. « Elle ne pouvait pas. C'était sûrement une obsession, une plaie ouverte. » Combien d'années consécutives avait-elle cultivé ce mystérieux schéma qu'elle n'avait même pas le moyen de contempler ? Pourtant, elle devait être sûre du résultat pour s'être donné autant de mal. C'était son œuvre éphémère, peut-être sa punition. « Va-t'en d'ici, Sam, » chuchota Pascal. Si bas qu'elle avait parlé dans son micro, il avait dû l'entendre, car il remit de la puissance et s'éleva. Pascal ferma les yeux tandis qu'il faisait demi-tour. Elle se demanda si elle n'allait pas arracher les bulbes, retourner la terre, semer de l'herbe et planter des arbres pour tout effacer. Elle en avait le droit. Elle avait retrouvé Julia. La main de Sam vint effleurer doucement sa joue, essuyant une larme. « Ne pleure pas, ma chérie. » Ne lui avait-il pas dit la même chose juste après l'enterrement de sa mère ? Elle éprouvait une aussi grande douleur que ce jour-là, comme si Camille venait de mourir une seconde fois.